Yeah. Yeah. Yeah. Hey, hey. On a coupé les sables, là où les gens bavent, là où les gens vivent difficilement, mais bon, les vrais savent. Connu la pénurie, les descentes, les ennemis. Connu la GAV, la BAC, le RMI. D'où je viens, la misère fait du bruit comme les bécanes de cross. On rêve de voir les politiciens en jupe comme en Écosse. On s'est toujours accroché, depuis le début on a trimé. On l'a fait pour la famille sans jamais oublier le quartier. J'oublie mon matricule, le sky me manipule. Le rap s'endort, laisse-moi le réveiller comme de la Red Bull. Le shit, le foot en salle, les garbas, l'argent sale. Les portables en cellule, la NPE, mission locale. Les keufs, les alentours, la bicra dans la cour. Une chaîne, une cave, une capote, un matelas et nique l'amour. Un ghetto français, RDV en maison d'arrêt. J'pourrais rejoindre maman à cause d'un haineux et d'un cran d'arrêt. Yeah. Y'a rien à perdre comme y'a rien à gagner. Quand tu n'es là où je n'ai mentalité. Rien à perdre. Y'a rien à perdre, quitte à vendre un peu d'air. Boîte trafiquée, galérer au quartier, mentalité. Rien à perdre. D'où je viens, rien à perdre. Au quartier, rien à perdre. À l'école, rien à perdre. Devant le juge, rien à perdre. Le frigo vide, rien à perdre. Aucune chance, rien à perdre. Rien à gagner, rien à perdre. Rien à perdre. Chacun son clan, mais y'a plus de petits ni de grands. Mais j'ai du sky dans la gourde, pourtant j'arrive premier au 100 mètres. La roue tourne comme la sky roulette. On brûle comme une boulette, quitte à finir écroué. J'prends le pactole et te laisse les brouettes. Yeah. On branche des tasses, pire, on laisse des gens sans par terre. Tu branches ton PC, tu cliques, tu laisses des commentaires. Allez, retour, on te fait l'amour, ta feu me pète un câble. Arrivé dans le game, les trois quartiers rappeurs sont relégables. Tu sais qu'on part de rien, rageux, on s'en bat les reins. Robé en garde à vue, seuls les balances mangent à leur faim. Yeah, au tribunal, j'ai jamais pleuré. Dans mes rêves, j'insulte la juge jusqu'à même l'avoir pleuré. Yeah, bienvenue dans mon quartier, j'serai devant le houlou. Au car plat, on n'est pas des fils à papa, mais des fils à garba. Y'a pas de hasard et nous, on mérite tout ce qui nous arrive. On gaspille nos euros, on te laisse gaspiller ta salive. Yeah, y'a rien à perdre comme y'a rien à gagner. Quand tu n'es là où je n'ai mentalité, rien à perdre. Y'a rien à perdre, quitte à vendre un peu d'air. Boîte trafiquée, galérer au quartier, mentalité. Rien à perdre, d'où je viens, rien à perdre. Au quartier, rien à perdre. À l'école, rien à perdre. Devant le juge, rien à perdre. Le frigo vide, rien à perdre. Aucune chance. Rien à perdre, rien à gagner, rien à perdre, rien à perdre. Trop de soucis dans nos têtes, trop de keufs t'as dans nos pecs. Tu veux du taf, il te faut la tête à Justin Timberlake. C'est barrette sur barrette, on veut viser le pactole. Un CL500 man, une remorque et un Raptor. J'm'en bats les bling bling, aucune attache au bien matériel. Regarde ces hypocrites, parle du jean pour faire de l'oseille. Et même les haineux, ma gueule, bougent leur tête en secret. Banlieue, banlieue sale, on ouvre des queues chenets et des queues grès. C'est la capitale, mon frère, elle cherche les millionnaires. Tu sors de boîte top modèle, rime avec concessionnaire. Putain, le crime m'appelle, tu crois qu'on se la fait belle. Man, on a trop la haine, dédicace aux frères de Villiers-le-Bel. C'est le chétan à la prod, mon peur a pris des prods. 78, tu cherches la merde et tu trouves un god. Parce qu'on a rien à perdre, parce que l'argent est boss. Parfois on fait de la tôle, parfois on fait du cross. Yeah. Y'a rien à perdre comme y'a rien à gagner. Quand tu n'es là où je n'ai mentalité. Rien à perdre. Y'a rien à perdre, quitte à vendre un peu d'air. Boîte trafiquée, galérer au quartier, mentalité. Rien à perdre. D'où je viens, rien à perdre. Au quartier, rien à perdre. À l'école, rien à perdre. Devant le juge, rien à perdre. Le frigo vide, rien à perdre. Aucune chance, rien à perdre. Rien à gagner, rien à perdre. Rien à perdre.